La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la réparation dans tous ses états. Francis Ponge, le poète, recommandait, je le cite, de prendre en réparation le monde par fragments, comme il nous vient. Chacun sent bien aujourd'hui combien il avait raison. Nous allons devoir réparer beaucoup de choses, celles qui étaient déjà distordues dans le monde désormais dit d'avant, bien sûr, mais aussi toutes celles que la crise actuelle aura abîmées, dévoyées, cassées. Mais que veut dire réparer? Que peut-on réparer? Ces questions ne sont simples qu'en apparence. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai invité pas moins de 3 personnes pour tenter d'y répondre. La première est Laurence de Créau, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice, vous avez une agrégation de lettres classiques. Vous êtes éditrice entre autres choses, puisque vous êtes aussi la créatrice d'un festival qui sera consacré à la réparation, qui se tiendra dans un an, en mai 2022. Exactement. Le second invité est François Besse, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord, François Besse, pour que je dise de vous que vous avez été réparé en prison par un professeur de philosophie? Tout à fait. Et que vous êtes devenu par la suite vous-même une sorte de réparateur? Je le tente. Et notre troisième invité est Julien Lecarme, bonjour. Bonjour. Vous êtes charpentier, vous êtes compagnon du devoir, vous réparez, vous construisez des toitures de cathédrales, mais pas que. Pas que. Alors, je vais commencer par vous, Laurence de Créau. Je vous avais reçu il y a quelque temps pour parler d'un livre que vous aviez écrit sur intitulé « Tempête sur les représentations du travail ». Vous tentiez d'examiner pourquoi l'idée de travail manuel avait été négativement jugée dans le système scolaire. Et qu'est-ce qui fait qu'une intellectuelle comme vous éprouve tant de passion pour le travail manuel et la réparation? Alors je dirais, l'origine c'était la lecture du livre de Matthew Crawford, L'éloge du carburateur, qui a été un grand choc pour diverses raisons, mais surtout parce que je me suis aperçu que ce qu'il disait sur la façon qu'il avait de réparer des motos, donc la réparation vue du point de vue d'un mécanicien, ressemblait furieusement à la réparation à laquelle je m'employais moi en tant qu'éditrice quand on me donnait un texte qui ne fonctionnait pas. Et c'est là que je me suis aperçu donc que tous mes préjugés, mes présupposés, comme quoi il y aurait des métiers intellectuels où on fait marcher son cerveau et d'autres où on fait plutôt marcher ses mains, ne fonctionnaient pas du tout et qu'on retrouvait les mêmes process intellectuels, simplement la matière était différente. Donc une éditrice est une réparatrice? Ah, totalement. D'ailleurs, dans notre jargon, on nous appelle les plombiers. On me disait que j'étais un très bon plombier. Bon, pas charpentier, désolé, mais plombier, oui. Et donc ça a été un choc et j'ai voulu essayer de comprendre davantage. Donc j'ai écrit un livre où je faisais une enquête sur les cols blancs qui se reconvertissent à un métier artisanal pour comprendre comment ça se passait, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, est-ce qu'ils renonçaient à leur cerveau pour leurs mains ou pas du tout, évidemment pas. Et ensuite, donc, on m'a commandé ce livre « Tempête sur les représentations du travail ». Où j'ai découvert avec vraiment effroi la façon dont en France, tout particulièrement, l'éducation nationale avait, au fil des années, ça remonte depuis très très longtemps, avait totalement mis de côté comme étant une voie de garage tout ce qui était enseignement professionnel. Alors que ça n'était pas le cas il y a encore un bon siècle. Donc ça m'a vraiment fait peur, d'autant plus que étant moi-même professeur, je me suis retrouvée face à des classes et je me suis rendu compte que j'ignorais toute cette histoire de ce massacre. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il faut changer ces représentations. Moi, ce que j'ai découvert avec stupeur et ce que découvrent mes amis aussi avec stupeur, puisque mes amis enseignants à qui j'ai parlé de tout cela ne le savaient pas davantage, ça doit être su. Et donc, l'idée était de faire un festival. Donc, dans le mot festival, il y a fête autour du travail et plus exactement de la vocation. Et l'idée de ce festival, c'est de se dire le travail, c'est ce qui donne sens à notre vie. Enfin, c'est entre autres ce qui donne sens à notre vie. Et pour l'instant, ce n'est pas ce dont on a l'impression quand on entend parler de bullshit jobs et autres. Curieusement, le travail est empêché depuis quelque temps par des préjugés, des représentations qui font que les gens, les jeunes notamment, ne vont pas choisir leur métier en toute connaissance de cause en fonction de leur goût ou de leurs aptitudes, mais en fonction d'un fléchage plus ou moins automatique selon les notes qu'ils ont obtenues à l'école dans des matières qui d'ailleurs sont générales. Donc c'est moins vrai maintenant, c'est en train de changer un petit peu. Enfin ça, je pense que notre ami Compagnon nous en parlera. Mais tout de même, ça a été le cas pendant plusieurs décennies. On est évalué, on a le reflet de ce que l'on vaut et de ce que l'on désire à travers des matières générales, donc qui font appel à un esprit abstrait. Et si vous êtes bon, ça vous renvoie que vous êtes bon en tout et que vous allez pouvoir réussir dans la vie. Et si vous échouez là-dedans, ça vous renvoie que vous êtes un bon à rien. Donc on a fait jouer deux équations, pas fait pour les études égale manuel et intelligent égale intellectuel. Voilà, c'est ça. Et de pas doué pour les études égales manuelles, ça, c'est pas seulement ça, mais enfin, pour le festival, j'ai beaucoup enquêté auprès d'associations, auprès d'écoles de la deuxième chance, et ce que tout le monde m'a dit, c'est que les enfants qui ont été en échec scolaire n'ont pas simplement l'impression que bon, ils ne sont pas des intellectuels, mais donc ils sont des manuels, mais c'est qu'ils sont des bons à rien et ils ont une honte terrible avec cette impression de ne pas avoir de place dans le monde, que de toute façon ils ne serviront à rien, ce qui entraîne souvent une haine de la société. Et après ça, pour les réparer, eh ben ça prend du temps. Voilà. Mais comment est née, ça c'est sans doute une longue histoire, mais comment est née l'idée que l'accession au royaume de l'abstraction impliquait que l'on sacrifiait toute connivence avec la matière? Bah ça remonte très loin. Hein, Platon? Alors oui, il y a Platon bien évidemment, puisqu'il y a cette idée du monde des idées qui l'emporte nettement sur le monde de la matière, et ce statut de l'artisan à l'époque de la démocratie athénienne qui était... déconsidéré, puisque c'était un citoyen au rabais, parce qu'il était censé s'épuiser pendant toute la journée à travailler avec son corps et ne plus avoir la force ensuite de réfléchir pour participer à la vie de la cité. Bon, mais ça, c'est vrai pour tous les pays d'Europe, on remonte tous à cette époque-là. Et la France, enfin, ce qui s'est passé en particulier en France, c'est à l'époque de l'humanisme, au XVIe siècle, lorsque on a redécouvert les textes de l'Antiquité classique dans toute leur splendeur, sans qu'ils aient été déformés, et qu'il y a eu cet engouement très fort pour ce retour au texte, et on s'est dit, eh bien là, enfin, l'homme va pouvoir redevenir, enfin, ce qu'est vraiment un homme, c'est-à-dire un esprit capable de goûter les belles choses, et avec cette idée que ceux qui ne pouvaient pas goûter à ces belles choses, notamment qui ne savaient pas le latin ou tout simplement ne savaient pas lire, étaient des hommes au rabais. François Besse, je vous ai entendu dire un jour, je me suis trop souvent trompé par manque de connaissances. Donc j'imagine que ce que vous venez d'entendre confirme. Enfin, vous êtes d'accord en tout cas avec cette analyse que vient de faire Absolument. Laurent Préau. Absolument. Dans la mesure où effectivement nous partons avec un principal handicap lorsque nous débutons notre vie, c'est que nous sommes liés immédiatement à notre famille, à notre quartier, et à la ville dans laquelle nous vivons. Et la structure est déjà en place. Et pour échapper à cette structure, il va falloir effectivement cocher les bonnes cases. Vous allez dans une école classique, vous apprenez à lire sans savoir lire, véritablement, jusqu'au certificat d'études. Qu'est-ce que vous voulez dire par apprendre à lire sans savoir lire? C'est-à-dire que vous avez la base pour pouvoir lire des informations sur une technique à suivre pour aller, par exemple, dans un endroit pour apprendre un métier. Vous apprenez à compter pour savoir vous servir d'un maître. Faire des additions, des soustractions, jusqu'à une division. Sauf que, bien évidemment, cela ne vous suffit pas pour pouvoir penser. Et c'est ce qui m'a manqué essentiellement. J'avais quelques bases que je pensais essentielles pour pouvoir être dans la société et je me suis aperçu rapidement que ces bases ne me suffisaient pas pour pouvoir apprendre autre chose que ce que je savais. François Besse, vous étiez bon à l'école, entre guillemets, c'est-à-dire vous étiez bon au calcul mental, par exemple. Oui, mais vous dites que vous aviez besoin de faire pour comprendre. Absolument. C'est-à-dire qu'apprendre, ça ne suffit pas pour comprendre. Non, alors... Dans mon apprentissage de la vie, c'était de, en premier lieu, démonter tout ce qu'il y avait à la maison pour aller au cœur du fonctionnement de ce qu'il y avait. Quel type d'objet? Les horloges, les moteurs? Les horloges, les moteurs, le projecteur que ma maman avait pour récupérer la loupe afin de pouvoir, pour pouvoir faire du feu. C'est-à-dire que j'avais appris qu'on pouvait faire du feu Sans allumettes. Sans allumettes, en plaçant une loupe avec le soleil. J'ai dit, tiens, ben, il faut que j'essaie. Et ma maman, bien sûr, a dit, qu'as-tu fait avec mon projecteur? Mais est-ce qu'il faut démonter pour apprendre à réparer? Alors, je me suis aperçu que ça ne suffisait pas. Parce que, dans un premier temps, j'étais habile à démonter. Et je n'étais pas toujours habile pour remonter et pour comprendre véritablement l'ensemble du mécanisme qui faisait que c'était encore une chose qui remplissait sa fonction. Et là, je me suis aperçu qu'il me manquait d'énormes connaissances. Mais je passais toujours à autre chose parce que j'étais curieux. Et je démontais en permanence les choses pour les améliorer moi-même. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu 17 ans, j'ai acheté une mobylette. Eh bien, bien sûr, j'étais... Tu t'es retrouvé en pièces détachées, c'est ça? Ben, je me suis retrouvé en compétition avec les autres mobylettes. Et je devais, moi, être capable de modifier cette mobylette en changeant le carburateur, en mettant un Delorto de 19 à la place d'un 17, bien sûr, et puis de limer la culasse, afin de réduire la chambre de combustion. Pour que ça fasse plus de bruit. Alors, je ne modifiais pas le pot d'échappement, mais je modifiais la compression et mon moteur était plus puissant. Il était plus punchy. Voilà, j'arrêtais pas et je démontais absolument tout. Alors, si je vous invitais, François Bess, c'est parce que en prison, en 1998, vous étiez à la prison de Saint-Maur et vous avez rencontré un professeur de philosophie qui vous a parlé, ainsi qu'à d'autres détenus, de Spinoza. Et vous racontez que Spinoza a joué un rôle fondamental dans votre réparation, entre guillemets. Est-ce que, si ça avait été quelqu'un d'autre que Spinoza, la réparation aurait été la même? Ou est-ce que Spinoza, c'est le philosophe qui vous convenait, qu'il vous fallait découvrir pour acquérir les connaissances qui vous manquaient? Alors, ce professeur nous a d'entrée de jeu dit que nous allions avec Spinoza, le philosophe des philosophes, travailler toute son œuvre afin de mettre à jour ce qu'il disait pour pouvoir... Donc c'est lui qui a choisi Spinoza. Absolument. Et ça vous a convenu? Ben, on n'avait peut-être pas le choix non plus. Non, mais vous êtes devenu un grand, grand lecteur de Spinoza. Vous l'avez lu intégralement. Voilà. Et on a l'impression que sa philosophie vous a presque énervé. Ben disons qu'elle a réussi à mettre de côté toutes les passions tristes. Voilà. Alors, les passions qui peuvent être analysées comme parfois positives et des passions qui sont effectivement négatives. Mais les passions, si on sait les maîtriser, si on sait les mettre de côté, à ce moment-là, on a de la place pour pouvoir penser différemment et élargir notre regard sur ce qui nous a été caché. Et est-ce que ça a été pour vous une sorte de révélation instantanée ou est-ce que c'est une longue maturation qui vous a réparé, si j'ose dire encore? Eh bien, là aussi, sur le constat, par exemple, au bout de 2 années, certains d'entre nous, moi aussi, j'étais dans le groupe, hein, nous étions en train de dire au prof: « Ah, oh, les choses sont super, maintenant on arrive à les comprendre. » Sauf que le prof immédiatement nous a dit « Tant que vous aurez cette impression d'avoir changé, vous n'aurez rien changé. Donc, quand vous ne penserez plus avoir changé, vous aurez changé. » Et ça ne vous rendait pas fou? Non, ça nous a rendu service à tous. On reviendra sur cette expérience, François Bess, mais je voudrais entendre d'abord, en suivant l'ordre, Julien Lecarme. Vous êtes donc charpentier, vous êtes le fils d'une institutrice. Oui. Et à l'école, ça s'est passé comment? D'une institutrice et d'un écrivain formateur, on va dire aussi. L'école n'a pas forcément été mon ami trop tôt. Dès le CM2, on a commencé à plus trop s'entendre ensemble. Et la suite a été dans du mouvement. Moi, je suis né à Grenoble et j'ai déménagé à Toulouse quand j'avais 12 ans. Et redoublement, des choses comme ça, je m'y retrouvais pas. Et je l'ai entendu dans vos mots tout à l'heure, Laurence, il y avait... le fait de se sentir évalué, jugé, positionné par rapport à d'autres. Ce qui aujourd'hui, dans mon métier qui est la formation, ça fait 7 ans que je suis plus sur les toits. Là, je travaille pour les Compagnons du Devoir. On est dans la formation sur de nombreux métiers. Et oui, métier autour du bois pour l'essentiel. Non, le compagnonnage, c'est 5 filières, 35 métiers. Vous, alors moi, spécialité, c'est plus ma spécialité, c'est le bois. Mais c'est la notion de réparation pour la thématique. Il y a eu un peu moins maintenant, on y reviendra, mais il y a eu en tout cas pendant une longue période, celle dont parlait Laurence, les jeunes qu'on a récupérés qui étaient plutôt en échec scolaire. Je fais complètement partie de ce cursus. Moi, j'y suis descendu dans l'échec scolaire jusqu'à la troisième techno qui me permettait d'avoir 16 ans, en fait, pour partir chez les Compagnons du Devoir à Rodez. Parce qu'il y a un âge d'entrée. Pour le droit du travail. Bon, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, en soi, je ne le regrette pas. Enfin, c'était une expérience sociale un peu étrange. Ça permet, enfin, le pays des aveugles, le Borgnérois, quoi. Je me suis rendu compte que je suis passé. C'est-à-dire, vous avez vu qu'il y avait des élèves plus en échec scolaire que vous? Complètement. Et en discutant là, il y a aussi là, tous les sujets de la reproduction sociale. Moi, j'ai été en échec scolaire, mais j'étais pas dans un milieu ultra défavorisé non plus. Faut pas. J'ai découvert les métiers manuels, j'ai découvert le compagnonnage. Il est certain que j'aurais pas été dans mon métier sans le compagnonnage. Il est tout à fait possible que j'aurais pu être dans un autre métier en compagnonnage. Donc c'est vraiment ce principe de formation où on se retrouve résident, on vit chez les Compagnons du Devoir. On est dans une maison, dans mon cas, d'une quarantaine de personnes. Le plus vieux de la maison, il a à peine 30 ans, tout mouillé. Et quand on en a 16 et qu'on voit cette animation, cette vie, etc., c'est quelque chose de complètement bluffant. Donc on est moins autonome, on est plus autonome qu'à l'école et en même temps, j'ai l'impression en vous écoutant qu'on est plus encadré qu'à l'école. On nous donne beaucoup plus de responsabilités. On est dans l'alternance, hein. C'est-à-dire que le premier jour, on travaille. On va dans une entreprise pour les plus jeunes. Et moi, j'en avais la chance, j'embauchais avec un compagnon. Donc, ne serait-ce que pour la mobilité. Hein. Je montais dans sa voiture, on allait travailler ensemble dans une entreprise d'une douzaine de personnes. On se retrouve, quand on a 16 ans, on est dans une classe de gens qui ont grosso modo 16 ans. Quand on se retrouve dans une entreprise, ben on évite le plus jeune à cet âge-là, et on se retrouve encadré, formé, accompagné, tutoré par tout ce monde-là. Et cette vie compagnonique entre jeunes qu'on retrouve le soir, en gros en débauchant, on se retrouve entre nous, on mange ensemble, on se forme ensemble. Parce que chez les Compagnons du Devoir, quand on est résident, on a des cours le soir et le samedi. Alors pas sur toute l'année. C'est des horaires plus lourds que l'école. Non? C'est des horaires plus lourds que l'école, je sais pas. Effectivement, on a fait une journée de travail, mais il y a c'est une association ouvrière. Le soir, on fait de la promotion sociale et on se forme. On peut se former en plus en lien direct avec ce qu'on est en train de voir en entreprise. J'ai pas compris ce qu'on a fait aujourd'hui. Pourquoi c'est comme ça? À un moment, il m'a dit tel mot, j'ai pas compris. Donc ça, on va l'expliquer. Dans ce modèle jeune, c'est celui qui sait qui va simplement l'expliquer à l'autre, sans forcément un gros delta d'âge entre eux. Et puis il y a tout le principe de l'itinérance, ça veut dire que l'apprentissage, c'est la partie la plus sédentaire de notre formation. Il dure entre une année et trois années, dans mon cas c'était deux, c'est un cas assez très courant. Pour tout le public qui est ce qu'on appelle post-collège, des années plus tard, on a ouvert à tout ce qui était post-bac. Et ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Laurence aussi sur les bullshit jobs, qui sont aujourd'hui des publics assez importants chez nous, qui viennent se reconvertir, ou le passe ton bac d'abord, ils ont passé leur bac, et puis what else. Donc, c'est-à-dire, vous voyez ce mouvement de conversion de gens qui ont des formations, disons, classiques, et qui éprouvent le besoin de se confronter à la matière? François a cité tout à l'heure 98. Moi, je suis rentré en 94 chez les Compagnons. Je ne sais pas si vous étiez déjà en prison à cette époque-là. Moi, j'étais... Oui. Bon. Moi, je suis rentré chez les Compagnons et à cette époque-là, la très grande majorité des jeunes sortaient du collège. Je ne sais pas exactement quelle année, dans les années, un peu avant les années 2000, 99-2000, on a commencé vraiment à viser le public de bacheliers. Aujourd'hui, c'est largement, c'est la moitié de notre public à peu près. Et pour en venir à l'école, j'ai lu que vous aviez dit quelque part que on traite à l'école le terme de Pythagore en 3 ou 4 séances, oui. Mais que vous, pour ce qui est de l'application de ce théorème dans votre métier, il a fallu plusieurs années pour l'assimiler complètement. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par là ? La charpente, moi j'aime bien définir mon métier en abriter et franchir. On va abriter les humains et leurs activités, ça peut être du hangar, hein, ce qu'on veut, des bureaux, des maisons, enfin, franchir, c'est toute la notion de ben, il y a un texte d'une chanson, on fait des ponts, on fait des escaliers, des rampants aux courbes joyeuses, tous les planchers, etc. Donc on va bâtir pour mettre des gens à l'intérieur la plupart du temps. Et la structure bois, un des principes de base, c'est qu'on part du triangle qui est indéformable et on travaille sur cette forme-là. Donc le triangle, un des trucs qui va bien si on veut pas le dessiner, on le calcule. Et Pythagore est un peu le saint patron de ce calcul-là. Et du coup, en apprentissage, effectivement, on commence par le dessin parce que c'est le plus facile. Et ensuite, on s'amuse un peu à le calculer et on va pousser un peu ces formules de Pythagore qui sont pas, c'est les mêmes qu'on apprend au collège en quelques jours, je sais pas exactement, je me souviens pas exactement. Nous, on va le pratiquer potentiellement toute une vie professionnelle. Ce qui a évolué aujourd'hui avec les logiciels et compagnie. François Bell, ça vous aurait plu, le compagnonnage ? Ben, j'ai fait un apprentissage d'électricien et c'était le principe à 14 ans, puisque les voies étaient soit d'aller au collège, soit de passer le certificat d'études, qui, avec ce certificat d'études, on pouvait basculer dans le monde ouvrier. Et il y avait effectivement la période d'apprentissage qui durait 3 ans. Et au bout de 3 ans, on avait un CAP d'électricien ayant fait pratique dans une entreprise comme apprenti électricien. Et ensuite, comme une fois qu'on était avec un certificat, on pouvait devenir qualifié, électricien qualifié. Et j'ai fait ça. Et Laurence de Creux, le parcours de Julien Lecarme, est-ce qu'il correspond à des choses que vous avez vues par ailleurs et qui, disons, alimentent votre réflexion sur la réparation ? Ah bah ça, c'est un parcours que j'ai beaucoup vu. Alors, je ne savais pas tout ça avant de lancer, enfin, de travailler pour le festival, mais j'ai interviewé beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'artisans, et je vous disais, beaucoup d'associations. Et j'ai été très frappée de voir, notamment, je me souviens, il y a un plâtrier qui travaille à l'AFPA, qui est un passionné absolu, et qui m'avait enthousiasmé. Et il me racontait, donc, il est d'origine portugaise, il me racontait ses souffrances terribles, comme à la maison, on ne parlait guère français, lorsqu'il est arrivé à l'école en orthographe, il était épouvantable, il avait des moins 40. Et il s'est fait tellement humilier qu'il a décidé qu'il haïssait l'école et qu'il ne voulait plus jamais rien faire. Alors que, me dit-il, c'est un peu comme ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, il aimait beaucoup les maths. Il aimait notamment la géométrie. Bon, mais d'un seul coup, il a tout remis en question en bloc. Et ce qu'il m'a dit, qui m'a beaucoup... il s'est retrouvé à devenir plâtrier, son père était maçon. Il s'est pris de passion pour son métier, mais vraiment de passion. Et il m'a dit, ce qui est très drôle, c'est que ensuite, lorsque je me suis mis à mon compte et que j'ai créé mon entreprise, je suis devenu un passionné de bouquins et d'articles parce que je voulais être à la pointe de mon métier, notamment pour tout ce qui est isolation, etc. Il dit ça change tout le temps et je lis des trucs très compliqués avec des formules et tout, mais c'est une passion de le faire parce que je comprends à quoi ça sert. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, quoi. C'est-à-dire comment on passe de quelqu'un qui est dégoûté dans son enfance par l'abstraction, par quelque chose qui ne vous correspond pas et quelque chose qui vous pointe du doigt comme n'étant pas bon, et ensuite cette boulimie qu'il peut y avoir pour vous parliez du théorème de Pythagore, mais lui bon c'est de la physique, etc. J'ai lu sous votre plume, Julien Lecarme, que l'adage des compagnons du devoir, c'est « tout savoir qui n'est pas transmis est un savoir volé ». Alors, ce n'est pas forcément l'adage des compagnons, mais c'est une phrase qu'on aime à dire. On est des passants. Il y a beaucoup de métiers qui se disent passants. Mais c'est aussi charpentiers, moi, pour les professeurs à l'école, ce sont des passeurs. Quelle est la différence ? Des façons de raconter l'histoire du compagnonnage, parce que est-ce que c'est vrai, c'est en tout cas moi je l'aime bien, donc je la colporte. C'est on le rapporte aux cathédrales. Alors pas l'ouvrier en robe de bure sur son caillou, mais le fait de travailler un ouvrage, une œuvre qui va dépasser la vie d'un humain. Comment on fabrique quelque chose dont on ne verra pas la fin, et comment on fait pour que cette fin elle ait lieu? Eh ben on crée un système qui transmet, qui forme les humains, qui leur permet de monter en compétence et qui les permet de continuer une œuvre au-delà de notre vie. C'est quand même assez génial. Enfin, moi, je trouve ça assez génial. l'œuvre est un support, en fait, à cette approche. Donc l'œuvre, quand le client est branché curé, ben, ça s'appelle une cathédrale. Mais ça peut être toute autre chose qui dépasse la vie d'un homme, hein, au bout d'un moment. Et ces compétences, les compagnons, ils pouvaient être plus ou moins spécialisés, aller de chantier religieux en chantier religieux, fabriquer une église, une voûte, des choses comme ça, aller là où il y a l'ouvrage. On avait échangé avec Laurence, on n'était pas loin de l'incendie de Notre-Dame, dans nos échanges. Et à cette époque, il y a des chantiers ouverts d'églises et de cathédrales dans toute la France. Donc c'est aussi l'itinérance et c'est la nécessité de former un public ouvrier, une main-d'œuvre en capacité de transmettre et d'aller au-delà de leur vie. Ça, on l'a perpétué finalement, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui commence un chantier en se disant qu'il ne le finira jamais. Enfin, ça arrive encore, mais c'est quand même extrêmement rare. Les gens qui travaillent sur la fusion contrôlée, par exemple. Mais justement, moi, j'ai pris connaissance de votre existence après l'incendie de Notre-Dame. Il y avait la grande question, est-ce que réparer, c'est reconstituer à l'identique? Ou est-ce qu'on doit, dans la réparation, inclure de la nouveauté, de l'innovation? Et je vous ai entendu dire que la reconstruction de la réparation de Notre-Dame, c'est un beau programme. C'est un programme qui répond aux enjeux de notre temps. Et notre temps, justement, est affligé de la honte d'avoir laissé s'envoler, enfumer un chef-d'œuvre de l'art sacré qui avait traversé 9 siècles. Ne rajoutons pas, dites-vous, à la honte, en salissant les hauteurs de la cathédrale par quelques terrasses vitrées ou autres restaurants panoramiques. C'est un peu de la provocation, mais ça veut dire que vous pensez qu'on doit réparer à l'identique pour respecter le travail des pionniers? Non. C'est pas aussi simplement que ça, en tout cas. La honte de ne pas l'avoir su le transmettre aux autres générations, oui. Oui, c'est ce qu'on disait. Il y a une notion de passant, et ça, on n'a pas su le passer. C'est-à-dire qu'on pourrait pas refaire une cathédrale Notre-Dame aujourd'hui, simplement? On peut refaire une cathédrale aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais celle-là, on l'a laissée brûler. Pour des charpentiers qui savent lire ce qu'il y avait dans ce comble, ben, c'est de la charpente qui est partie. C'est tout un ouvrage, au sens presque littéraire du terme. C'est un ouvrage qu'on sait lire, on voit l'évolution des styles, etc., qui est parti. Donc ça, oui, il y a quelque chose d'affligeant là-dessus. Mais vous saviez qu'elle était menacée? On a entendu parler de sujets, hein, sur le budget pour la restauration du patrimoine, de mise en place de l'auto pour arriver à sauver des bâtiments. Donc a priori, il y a peut-être des problèmes dans le financement de la préservation du patrimoine. Elle comme une autre, c'est assez régulier qu'il y ait des grands ouvrages comme ça qui soient détruits. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait derrière? Comment on refait? Il y a des choses rigolotes qui ont été proposées, plus ou moins provocatrices. On le refait en béton, on le refait en fer. Il y a toutes les filières qui se sont tapées dessus pour savoir en quel matériau on le ferait. Ça, c'est assez presque rigolo, j'ai envie de dire. Parce que les matériaux, ils datent des époques. Le fer, c'est le 19e siècle. Le béton, c'est le 20e. Aujourd'hui, on a des enjeux de... Alors, j'aime le terme développement durable, me gêne toujours un peu parce qu'il est quand même un peu marketé pour vendre quelque chose à la fin. Mais... Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'utiliser un matériau qui est lourd en carbone pour reconstruire quelque chose comme ça? Ça semblerait un peu une aberration. Ça tombe bien, c'était fait en bois. Donc on peut arriver à marier ceux qui veulent du développement durable et ceux qui veulent une réponse respectueuse de la technique de l'époque avec le bois, par exemple. C'est ce qui a été choisi, d'ailleurs. Après, moi, ce qui me marquait, c'est beaucoup de gens affectés. Moi, j'avais eu la chance de la visiter dans ma formation, montée dans le comble, mais extrêmement peu de gens, j'ai absolument aucune idée du chiffre, mais extrêmement peu de gens sont montés dans ce comble, ont pu voir ce comble. Et reconstruire un comble qui ne serait pas visitable, ce serait effectivement dommage. J'ai appris tout récemment que ça allait, a priori, que c'était un vrai sujet, pour plein d'autres gens et bien plus décideurs, ce chantier, que potentiellement, ça serait visitable. Donc ça, c'est une très très belle nouvelle. Bon, après, faire un rooftop au milieu du centre de Paris, ça peut être rigolo aussi. Mais c'est un autre type de réparation. François Besse, je crois que c'est à vous qu'a incombé la mission de choisir une chanson pour ponctuer cette émission. Oui. Et vous avez choisi... Les cœurs purs. Les cœurs purs de Jean-René Cossimon. Oui. Nous allons l'écouter. Merci. Ils ne sont pas encore amis, des notaires et des notables. ils ne sont pas encore admis à dîner le soir à leur table. Ils ne sont pas encore polis comme papa le fut toujours. Ils ne sont pas encore salis par les combines au jour le jour. Mais on leur dit que ça viendra, et bien sûr, ils ne le croient pas. Les cœurs purs, France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Ils ne sont pas encore rusés, ni blasés d'être un peu bohèmes. Ils ne sont pas encore usés par le métro des matins blêmes. Ils ne sont pas encore conscrits, bien qu'ils soient souvent engagés. Ils ne sont pas encore inscrits ni au chômage, ni au congé. Mais on leur dit que ça viendra, et bien sûr, ils ne le croient pas. Les cœurs purs, les cœurs purs. Ils ne sont pas encore lassés écouter chanter leur idole. Ils ne sont pas encore blessés par le temps qui tant nous désole. Ils chantent des songs sur un banc. Ils n'ont pas honte de la rue. Ils ne sont pas encore perdants. Ils ne sont pas encore perdus. Et on leur dit que ça viendra. Moi, bien sûr, je souhaite tout bas que ça dure. Les cœurs purs. Les cœurs purs, François Basset, c'était votre choix, il faut l'assumer, l'expliquer. Alors peut-être pas l'expliquer, l'écouter avec attention peut-être, et puis... Quel message que vous retenez de cette chanson ? Rester dans, les dernières paroles que Simon dit, avoir l'espérance que ça dure, les cœurs purs. Un silence s'installe. Julien Lecarme, j'avais une question à propos du compagnonnage. Est-ce qu'il est ouvert aux femmes et est-ce que les femmes s'y précipitent autant que les hommes ? Alors, bien heureusement, il est ouvert aux femmes. Bien malheureusement, depuis trop peu de temps, depuis 2004 pour l'association ouvrière, depuis quelques années, pour pas dire moi, dans d'autres sociétés compagnoniques. Certains métiers se sont vus vraiment redynamisés par la présence des femmes. Par exemple, je disais qu'il y avait 35 métiers chez les Compagnons du Devoir. On a des métiers dans les matériaux souples, maroquiniers, cordonniers, pots d'orthésiste, etc. C'est des métiers qui se sont vraiment fortement dynamisés avec la présence des femmes. Après, les autres métiers, des métiers par exemple du bâtiment qui sont plus traditionnellement rattachés au compagnonnage, enfin, les gens l'assimiler au compagnonnage. On a des femmes un peu plus que dans la moyenne du métier. En même temps, on n'a aucun mérite, hein, parce que nous, on forme les jeunes, les nouvelles générations, donc forcément, la place des femmes est de plus en plus forte dedans. Voilà. Laurence Decréau, vous confirmez, dans l'organisation de votre festival sur la réparation, sur les vocations d'une façon générale, est-ce que les femmes... se montrent aussi intéressés par les travaux manuels que les hommes ? Est-ce qu'il y a une parfaite symétrie ? Oui. Alors, attendez que je réfléchisse. oui. En tout cas, il y a une forte présence, forte réponse des femmes sur ce désir de changer de métier quand on vient d'un bullshit job. Je dirais que moi, j'en ai observé plus que chez les hommes. Les femmes, là, sont prêtes à faire le grand saut beaucoup plus aisément pour faire quelque chose de complètement différent. Et là, pour en revenir à l'AFPA, qui fait partie de nos proches partenaires, j'ai entendu parler d'une femme qui, je crois, était dans le marketing ou la banque, je ne sais plus, et qui maintenant est dans le soudage et qui s'éclate complètement. Donc il y a vraiment des métiers parfaitement improbables. Présence des femmes autant que des hommes, oui. Qu'est-ce que vous appelez un bullshit job ? Alors un bullshit job, si j'en reprends à la définition que donne David Graeber, hein, qui est celui qui a employé ce mot, c'est un travail dont celui-même qui l'effectue ne sait pas à quoi il sert. Ne comprend pas son utilité et ne sait pas à quoi il sert. Donc voilà, ça peut être un travail très bien payé, hein, mais on se demande vraiment, quand on a fini sa journée de 10 heures, à quoi ça a pu servir dans le monde et à qui que ce soit. Alors que ce qu'on pourrait appeler le théorème de Matthew Crawford, c'est « je répare ma moto, donc je suis ». Oui. Alors ça, c'est un petit peu autre chose aussi. C'est, je pense aussi, les bullshit jobs sont aussi liés au fait qu'on a peu de rapport avec... On n'a pas l'impression de transformer le monde, d'avoir un impact sur le monde. Lorsque vous êtes derrière votre ordinateur avec vos tableaux Excel et que vous reportez à un N plus 1 qui reporte à un N plus 2, etc. Et puis que vous êtes un maillon d'une chaîne sans savoir exactement à quoi rime ce que vous avez fait dans la journée, c'est ça qui est assez désespérant. Et de fait, là, puisque vous parlez d'avoir été utile, enfin d'avoir réparé sa moto, quelque chose m'a beaucoup frappé lorsque j'ai vu toujours ces associations qui font travailler, qui essayent de réparer des jeunes cabossés, c'est que tous m'ont dit que le passage par un travail manuel, mais si humble soit-il, il ne s'agit pas d'apprendre un métier en un an, mais rien qu'avoir une petite tâche pendant 15 jours avec quelqu'un qui est votre tuteur, et puis arriver à faire une toute petite tâche comme ça, mais la faire bien comme il faut, avoir réussi à transformer quelque chose du monde, et puis avoir le regard du tuteur qui vous dit « bah c'est bien, tu vois, t'as bien fait », et c'est ce qu'ils utilisent tous comme manière de réconcilier les mômes qui vont vraiment mal, déjà dans un premier temps avec eux-mêmes, pour qu'ils retrouvent un petit peu de fierté. Mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que la main n'a de cesse de s'absenter du monde du travail, y compris en usine ? Il y a des robots, des ordinateurs, et les tâches manuelles dans les usines sont moins importantes qu'avant. Et donc c'est l'artisanat qui vient proposer ce retour à la matière, François Besse. Bien, moi je me souviens qu'un artisan m'avait expliqué que c'est... outils lui étaient personnels parce qu'il les avait fabriqués pour s'adapter au travail à effectuer. C'est-à-dire que c'était un prolongement de sa main. Et en fait, il sentait avec le bout de son outil comme s'il touchait avec le bout de ses doigts. Et quand il m'expliquait ça, je comprenais parfaitement qu'il avait l'essence de la matière, le bois, en vrai contact avec ce qu'il était en train de faire. Et là, moi, j'étais en admiration, parce que c'était un long travail, certainement. Mais je concevais comme un artisan, un vrai, un artiste, en fait. Oui, j'aurais voulu poser une question, si c'est possible, qu'on s'interroge entre nous, à Julien. Parce que vous avez dit tout à l'heure que le fait qu'il y ait des machines qui s'interposent entre l'opérateur et la matière, ça pourrait expliquer ce sens du bullshit job, cette impression d'être un peu à l'écart du monde. Enfin, moi, j'ai pas trop l'impression que j'ai eu en interrogeant les gens. Et enfin, vous, dans les 35 métiers dont vous parlez, il y a la machine, c'est beaucoup interposé. Et malgré tout, est-ce que vous avez l'impression que ça fait perdre le sens? Non. On ne l'appelle pas la machine. Pour nous, c'est l'outil. Ouais. C'est un outil. C'est un outil qui s'est potentiellement plus mécanisé. Mais l'artisan, l'ouvrier, l'ouvrière qualifiée, c'est une danse entre la conception, la matière, l'outil. Et on façonne cette matière. J'évite toujours le terme d'artiste là, que vous avez utilisé, François, parce que c'est pas forcément nous, les artistes. L'ouvrage a été designé, on y contribue, on y participe, on va façonner la matière. Il y a quelque chose d'hyper intéressant là-dedans. Nous, on le dit, on peut pas tromper la matière. Par exemple, si tu triches, elle casse, elle fend, elle tord, ça se voit, enfin, il se passe des choses. Et l'élément est là pour nous rappeler à l'ordre. Ça, c'est hyper structurant aussi dans une formation comme ça, manuelle. Très simple, finalement, dans ce rapport-là. L'outil contribue, il y a régulièrement eu des craintes. Moi, je me souviens d'anciens compagnons qui disaient la première circulaire qui est arrivée dans l'entreprise à Paris, ben les gars, ils l'enfermaient dans le placard pour continuer de scier à la main et pour pas faire perdre cette technique. On a eu la même chose avec les machines de taille quand elles sont arrivées. Je dis pas que c'est neutre, l'évolution de ces machines, certainement pas. Surtout quand on commence après à avoir des métiers qui sont opérateurs, quand on perd le pouvoir de conception et que c'est la machine qui façonne la matière, du coup on peut perdre cette relation. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une forme de mise en concurrence ? C'est pas vraiment dans des métiers qui sont dits artisanaux. Ça devient beaucoup plus dur quand le métier s'industrialise. Ouais. Là, on passe sur une autre échelle. C'est ça qui me gêne. On va commencer à avoir du management, des bons vieux fordismes qui débarquent. Toi, tu t'occupes de ça et toi, tu t'occupes de ci. Et on retrouve notre bon vieux tableur Excel où je ne sais pas exactement à quoi j'ai contribué. Et l'assemblage. J'étais un élément de la chaîne et l'assemblage. Je perds la capacité de concevoir et maîtriser mon ouvrage. Donc, il y a des justes milieux à trouver. Ça veut dire que la fierté, elle vient du fait qu'on sait ce qu'on a fait, quoi. On sait quelle part on a joué dans la collaboration. On sait ce qu'on a fait, ou que quand on l'a fait ensemble, typiquement en charpente, il y a quelque chose de il y a un des éléments forts du compagnonnage, c'est des vertus, des règles partagées, et une qui est importante chez nous, c'est la fraternité. C'est un ensemble. Quand on porte un pot de bois à plusieurs, on a tous l'épaule dessous. Quand on est devant, on ne voit pas celui qui est derrière, et si celui qui est derrière, il nous plante, il peut vraiment nous faire mal. Donc on se fait confiance, c'est un peu comme des comme une cordée. Exactement. Mais on ne prend pas le même sens que pour ne pas planter les autres là pour le coup. Donc ça c'est quelque chose de très fort. Donc on peut participer à un petit élément dans la mesure où on a compris l'ensemble ou alors ou qu'on a été accompagné. Je reprends la comparaison tout à l'heure avec mon apprentissage. Mais des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas. L'ouvrage est trop complexe, c'est trop grand, on est trop jeune dans le métier pour arriver à lire ça. Ou on n'a jamais fait, on n'a fait que de la charpente, on arrive sur l'escalier ou voilà ce genre de choses. Bon bah on va nous l'expliquer, on va faire des cours du soir, on va être en capacité de s'y essayer, pas forcément aussi bien que des gens qui sont dans la maîtrise, mais on a la possibilité de le faire. On peut sortir de notre chaîne quelque part. Il y a un point commun, enfin il me semble qu'il y a un point commun entre François Besse et vous, Julien Lecarme, c'est que l'école, c'était pas trop votre truc, mais vous avez fait école. Alors François, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes occupé d'autres jeunes gens, délinquants ou pas, de prisonniers, et comment votre expérience a été pour eux l'occasion de se réparer, un peu comme vous l'avez été par la rencontre avec ce professeur de philosophie. Dans la mesure où j'ai pu, à l'occasion de prise de contact avec des associations, eh bien, j'ai pu partager mon expérience en témoignage, et permettre à des personnes qui se posaient des questions de pouvoir y répondre sur véritablement la nécessité d'affirmer que la punition peut réparer, alors qu'une punition ne répare jamais rien. Elle bloque la personne sur quelque chose qui ne pourra pas la faire avancer parce que c'est quelque chose de mal compris. Une récompense, c'est facile à comprendre. On dit, tiens, je suis reconnu. Une punition, c'est quelque chose qui exclut. Donc, à l'instant où on est exclu, on essaie de trouver le pourquoi et le comment sans jamais y arriver. Car on trouvera toujours un bouc émissaire pour dire que ce n'est pas nous le responsable. Et c'est simplement en travaillant avec des personnes qui sont susceptibles de pouvoir vous amener à penser que, effectivement, l'angle dans lequel vous êtes pour étudier une chose n'est pas le bon angle. Hein, Pythagore peut changer. Et à ce moment-là, tout change. Il y a une idée qui a été théorisée, si on peut dire, par Nelson Mandela, que vous reprenez à votre compte. Oui. François Besse, c'est celle de réconciliation. Oui, absolument. Il s'agit d'une sorte de réparation, mais alors de qui, par qui, comment ? Alors, c'est déjà la mise à plat des choses, c'est-à-dire de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et de pouvoir... Chacun, c'est-à-dire la victime ? C'est en premier lieu la victime. C'est elle qui est la première concernée. Ensuite, on amène à la raison pour laquelle... La victime a été victime. mais sans justifier, c'est-à-dire pour permettre à la victime de passer à autre chose. Et en passant véritablement à autre chose, celui qui est à l'origine va disparaître comme étant celui qui doit payer pour ce qui a été fait. Et tout change. Parce que celui qui a fait quelque chose peut aussi être pris en charge pour évoluer et arriver à une vraie responsabilité. Et est-ce que vous avez rencontré des situations où cette démarche complexe, qui à mon avis doit être très lente, peut être douloureuse aussi ? Est-ce que vous avez connu des histoires qui montrent le succès de la démarche ? Alors, il y a des choses qui se font, et il y a des personnes qui arrivent devant une cour d'assises en disant, parce qu'elles sont croyantes, qu'elles pardonnent à celui qui a commis les crimes. C'est une forme de réparation que la victime est capable de faire parce qu'elle a la foi. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde. La difficulté, c'est que cette assumer ce qui a été comme étant quelque chose qui est dans l'ordre divin, c'est acceptable que pour celui qui croit. Toutes les autres personnes qui, elles, ont une autre croyance, celle, par exemple, en l'État, en la justice, elles demandent à être réparées et indemnisées. Et on leur propose des indemnisations pécuniaires qui ne les réparent pas vraiment. Qui pourraient civilement les réparer, mais lorsqu'il y a crime, la contrepartie, c'est la punition. Et bien évidemment que la victime ne s'y retrouve jamais. Parce que sa douleur ne peut pas être traduite en une autre douleur, quelque part. Même si on imagine que l'autre doit souffrir parce que je souffre, ça ne fonctionne pas. Aucune victime, d'ailleurs, lorsque on les interroge à la sortie d'une cour d'assises, ne sont satisfaites par le jugement. Elles estiment que celui qui leur a été présenté n'était pas sincère ou n'a pas été puni suffisamment. En longueur de temps. Longueur de peine. Longueur de peine. Ça veut dire que quand on parle de réparation, on parle des êtres humains, des charpentes, des cathédrales, des mobilettes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui unifie toutes ces acceptions du verbe réparer ? Parce que vous, François, vous avez été réparé, mais sans revenir à l'identique. Et même la réparation a consisté pour vous à échapper à une forme de destinée qui vous était peut-être, non pas promise, mais qui s'était installée dans votre propre vie. Et peut-être que je n'ai pas été réparé, mais peut-être que j'ai été... Vous étiez d'accord pour le dire tout à l'heure. Oui, mais révélé, hein, quelque part. Vous êtes découvert. Voilà, découvert. Parce qu'il fallait bien qu'il y ait une première matière pour pouvoir travailler dessus. Mais qu'est-ce qui, dans la philosophie de Spinoza, vous a fait vous découvrir vous-même ? Ben, le fait que j'ai pu abandonner toutes mes croyances, toutes celles que je pensais être vraies, c'est-à-dire croire en la justice, écrire... Vous dites que vous avez confondu l'administration judiciaire et la justice. Absolument. Mais tout était véritablement... dans une définition totalement fausse. Le vocabulaire, les mots ne sont pas adaptés. Laurence de Créau, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à recruter dans certains métiers dits manuels, chaudronnier, charpentier, etc. Alors qu'il y a beaucoup de demandes, oui, de la part des entreprises? Est-ce que c'est la qualité de vie dans ces métiers qui s'est détériorée? Est-ce que c'est l'école dont on a parlé qui, sans forcément le vouloir, distillerait l'idée que l'exercice d'un travail manuel placerait toujours son exécutant dans un état servile? Est-ce que c'est la dissociation entre le penser et le faire? Non, moi je pense, ce qui explique ça, c'est des préjugés qui subsistent, donc dans cette idée que ce sont des métiers faits pour des gens pas très intelligents et qui ont échoué ailleurs, quoi. Mais ce préjugé est en train de disparaître. Enfin, je pense que vous en serez d'accord, Julien, c'est en train de s'amoindrir nettement. Notamment, les bullshit jobs font qu'on rêve beaucoup moins sur certains métiers auxquels on accède par des grandes études. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand même de voir cette glamourisation de métiers artisanaux voire industriels, parce que se mettre à rêver de devenir boucher ou de devenir soudeur, c'est quand même nouveau, parce qu'auparavant, lorsqu'il y avait une nostalgie des métiers manuels, on voulait être potier, on voulait faire de la céramique, enfin bon, je parle dans les années 70, c'était quand même vaguement lié à quelque chose d'artistique, et maintenant c'est vraiment des métiers très durs, comme, enfin purs et durs, comme chaudronnerie qui attire. Mais moi, ce que je trouve très très curieux, c'est qu'au stade où on en est là, on voit que chez les adultes, enfin chez ceux qui souffrent des bullshit jobs, il y a cette volonté, il y a cette espèce de nostalgie, alors soit on passe à l'action, soit pas, mais d'aller, de retourner vers la matière, vers ce genre de métier. Et étrangement, ça n'est pas encore le cas à l'école, mais d'après les enquêtes que j'ai pu faire, les enfants sont en train de changer, c'est-à-dire qu'il y a une appétence pour ce genre de métier qui est en train de se faire jour et qui est assez nouvelle. Il y a aussi chez les professeurs un changement de mentalité, ils se mettent à être beaucoup plus ouverts à la voie professionnelle, ça devient plus, bon, tu es nul, tu vas partir en voie professionnelle, maintenant ça change beaucoup. Et on m'a dit vraiment, et ça vraiment l'école de la deuxième chance, enfin un peu tout le monde, que ce qui reste, c'était la résistance demeure du côté des parents. C'est-à-dire que c'est encore les parents qui vont dire à leur fils « Ah non, il n'y a pas question que tu partes en voie pro, tu as des bonnes notes en maths, pfft, tu vas continuer, passe ton bac. » quoi. Mais bon, quand même, il semblerait que les résistances tombent les unes après les autres. Mais pour l'instant, je pense qu'il est un peu tôt pour que ça ait changé profondément. Julien Lecarme, est-ce que la pandémie, avec les confinements qui l'ont ponctué, a changé la donne pour vous? Est-ce que vous sentez que des gens qui étaient dans des métiers plutôt attrayant il y a quelques mois, ont décidé de changer et de venir vers des métiers semblables aux vôtres? Alors je vais essayer de faire un peu des deux, répondre, compléter ce que disait Laurence et vous répondre. Plus que la pandémie, moi je le vois, les enjeux climatiques. Parce qu'on disait bullshit job tout à l'heure avec le fait « je ne sais pas ce que je fais ». J'ai envie de dire aujourd'hui, pas savoir ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. Le nombre de jeunes qui n'ont pas envie de contribuer à creuser le trou, il est encore plus important. Parce qu'il y en a qui savent ce qu'ils font, mais qui ne pédalent pas dans le bon sens. Bon, malheureusement, ils arrivent à dormir la nuit. Mais donc, il y a tout un pan de gens qui ont envie de contribuer à ce que ça aille mieux, à participer à ces luttes contre les enjeux climatiques. Et on va les retrouver dans plein de métiers chez nous. Ils comprennent, ils voient ce qu'ils font, ils ont une visibilité de la matière, une valorisation énorme de contribuer à ça. La question du sens, elle a beaucoup, beaucoup porté. On parlait tout à l'heure, je voudrais pas dire que c'est la faute de l'école. L'école, je pense qu'elle fait la reproduction sociale qu'on lui met dans les pattes à son époque, quoi. C'est un peu le plus beau métier du monde d'être enseignant. Je dis ça déjà parce que j'ai une famille de profs, alors je voudrais pouvoir rentrer chez moi. et que je l'ai moi-même fait. J'y retournerai. Enseigner, transmettre, chez nous, c'est indispensable. C'est ce qui nous fait se lever le matin. Mais par contre, oui, le passe ton bac d'abord. L'évolution de ces métiers qui étaient un peu dans ce même cliché là, tu feras avocat, médecin ou architecte. Je connais pas bien les avocats, je connais bien les architectes. Il y a beaucoup d'architectes qui crèvent de faim. Dans les métiers du bâtiment, il y a énormément d'emplois et on arrive à gagner sa vie, par exemple. Donc, gagner son pain, honnêtement. Le compagnon, c'est celui qui partage le pain. Le fait de pouvoir gagner son pain, honnêtement, et finalement, dans la déconstruction qu'on a fait de la valeur travail, c'est devenu quelque chose d'hyper intéressant aujourd'hui. Donc ça permet de gagner son pain, honnêtement. Et ça, c'est plutôt sympa. François Besse. J'acquiesce. Dans le compagnonnage, on a effectivement cette transmission qui se fait, mais d'une façon horizontale. Il n'y a pas de hiérarchie véritable. Il y a effectivement un passage de mots. C'est-à-dire, je t'explique et je te fais voir. Et toi, tu fais en comprenant ce que je viens t'expliquer avec la matière. Et ça, c'est formidable. C'est un lien avec une totalité plus grande que nous. C'est-à-dire que c'est une création véritable. On parlait tout à l'heure sur la notion de réparation. C'est peut-être des étapes d'une émancipation. Ces métiers, l'alternance, l'apprentissage permet rapidement d'être autonome financièrement. Quand on est jeune, c'est quand même pareil, c'est très sympa. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, d'autant plus quand ça nous permet de sortir de milieux qui sont un peu sport. On a régulièrement des jeunes qui aident leurs parents, quand même des sujets un peu costauds. Donc cette émancipation qui peut se faire, et même si on a morflé, moi j'en veux pas à l'école, l'éducation nationale peut-être, mais l'école non, et ceux qui la font au quotidien, en horizontalité, certainement pas. Après, c'est apprendre à grimper une corde à un poisson à un moment. Ça marche pas. Tu peux faire ce que tu veux, ça marche pas. Par contre, il pourra faire plein d'autres choses. Et moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et quand on se retrouve dans ce métier-là, est-ce que c'est se réparer? Je sais pas. En tout cas, c'est de l'épanouissement. Nous, on le dit, hein, c'est s'épanouir dans et par son métier. La valeur travail, le métier, la maîtrise de sa compétence professionnelle, elle nous permet une émancipation géniale. On n'en a pas beaucoup parlé, mais le compagnonnage, c'est aussi le voyage. Donc la capacité d'avoir toujours de l'ouvrage, toujours de l'emploi, un réseau très large, c'est quand même hyper intéressant. Voilà. Et réparateur. Voilà. François Besse. C'est aller à la source, en fait, de la créativité, afin que ça devienne du commun, un partage. Il y a une phrase de Paul Valéry dans ses propos sur l'intelligence qui me semble résumer de façon très concise ce que les uns et les autres viennent de dire. Voilà ce qu'il écrit. « Chacun se sert de l'esprit qu'il a. Un manœuvre se sert du sien par rapport à soi, autant que quiconque, philosophe ou géomètre. » Si ces discours nous semblent grossiers et trop simples, les nôtres lui sont étranges ou absurdes, et chacun de nous est un manœuvre pour quelqu'un. Ça impose le respect, non? Oui, merci. Et j'ai aussi deux petits anagrammes qui m'ont été envoyés par Olivier Garcia. Il me semble que ce que vous dites, ce que vous venez de dire, c'est que la crise des vocations peut être résolue par de vrais iconoclastes. N'est-ce pas? Eh bien, la crise des vocations a pour anagramme de vrais iconoclastes. Et puis, les vocations perdues sont la pique de tous nos rêves. C'est également l'anagramme. Un mot, pour finir. Merci. Qu'est-ce qu'il faut réparer en priorité? Je dirais, il faut réparer le désir que les gens ont perdu, beaucoup. Dès lors qu'on a le désir de s'accomplir dans quelque chose, c'est une forme de réparation. Et beaucoup l'ont perdu, je pense, ce désir. Ou s'inscrire dans un projet. Alors merci à tous les trois d'être venus. Je crois qu'on n'a pas épuisé le sujet, mais on a quand même dit des choses qui me semblent importantes. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique d'Ali Yahar et à la réalisation Anna Holweck. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Jesbert pour En français dans le texte. France Culture. L'esprit d'ouverture. Vous aimez ce podcast? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.